À la première auberge, j'avons bien bu, j'avons bien bu et nous boirons, cassons les verres, nous les paierons. Compagnon, dites-moi donc, dites, compagnon, dites-moi donc, si les demoiselles sont belles, où nous allons? À la deuxième auberge, j'avons bien bu et nous boirons, cassons les verres, nous les paierons. Voilà. Il n'y a plus qu'à recommencer le refrain. Et ça, vous l'avez apprise de... Oh, c'est entendu dans les corvées de battage, tout ça, qui chantaient ça. Hein. Ah oui. Et c'était qui chantait ça? C'était des anciens du coin? Les ouvriers agricoles, oui.